Moi je suis fait pour traîner comme Charles, pas pour régner comme Yves. Moi la musique me charme, du rap je suis le convive. R2Z c'est mine l'hérétique, au complet voilà ma team. Vaudrait mieux que t'encaisses la rime ou tu vas saigner comme ma team. C'est dans ma tire, c'est de faire comprendre que les gens luttent. Voilà pourquoi ma musique s'inspire de la rue comme Jean-Luc. Va pas croire que ça m'accable de pas être blindé comme Choumi. Tout un tas de projets macabres me viennent à l'idée comme Johnny. J'tape ma galère tous les jours comme échilien. Pourtant ma vie n'est pas dorée comme ce bâtard de Julien. Au contraire l'ami la vie elle m'enchaîne plus que d'un Taken. Alors j'te le dis encaisse la rime elle sort de l'under comme Taker. J'traîne tard le soir un survêt ou un jean minable. Qu'est-ce que j'm'en tape d'être joli, moi j'suis pas Angelina. Encaisse la rime ou protège-toi sous une capote. Les acolytes toujours râle comme Capone. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime. Ça c'est dicté par ma rage, frère, ce texte va être amené, tu le sens direct au démarrage. Je veux que ça pète, que ça claque, que tu connaisses les acolytes. Je veux que ça pète, que ça te claque aussi chaud que les acolytes. Déjà cinq campera, car autant de frustration. La seule façon d'exprimer c'est d'en faire une illustration. Et y'en a marre de ces gros qui rap, parce que c'est la mode qui te parle de cash. Des gros rap, la vivacité de la mort. Tellement trash, t'arrives pas à le capter. Et ceux qui me disent, t'es un lâche, t'es pas capté. Juste un blanc qui parle de choses qu'il connaît pas. Je leur réponds, parlez les gars, sachez que mon crew n'est qu'au départ. On cherche pas à se distinguer, nous on prône la vérité. Car on ne veut pas être destiné, juste à laver l'héritier. Encaisse la rime, de la rage, je suis pas abstinent. 16, je laisse la parole au rap suivant. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les arts. Ici pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes. Ici pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, dès que j'arrive à mon 16, les acolytes c'est ma team, je ne fais que l'annoncer. J'en place une annonce rap qui se crache dans la lance. C'est pas ceux qui braquent à l'occasion, mais à ceux qui rappent à l'ancienne. Moi je suis rapide comme Forest, surtout pour péter des barres. Y'a personne pour me consoler, en ce moment je fais péter des câbles. Je suis pas du style à mettre des lobes de déco. Je vis au jour le jour avec les autres et puis je roule des connes. Je fais pas la star, je rappe pour les potes de tes potes. Des bonnes rimes et des mots, j'en écrirai des tonnes et des tonnes. L'inspiration est là, mais l'envie de vivre me manque, je balance un flow. Phénoménal, instinctivement. C'est vrai que faire du com gars en s'étendant, mais moi je vendrai pas mon huguement. L'indépendant, et ouais j't'avoue, j'peux pas changer la terre. Mais sur ma tête, je ferai tout pour que mon rêve je l'atteigne. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert. Encaisse la rime, on n'est pas là pour présenter les acolytes ici, pas pour représenter les frères et les vrais, les partisans du rap sincère. Encaisse la rime, sois sensé, soit ta censure, on te les sert.